Les historiens ont-ils perdu la guerre des archives ? Depuis quelques années, l'accès aux archives publiques est devenu de plus en plus difficile pour les historiens qui travaillent sur des questions jugées sensibles sur le plan politique. Il faut pourtant rappeler que l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est en vertu de ce principe qu'a été adoptée la loi sur les archives du 3 janvier 1979, modifiée en 2008. Cette loi stipule que la plupart des documents considérés comme sensibles sont librement accessibles aux chercheurs à l'expiration d'un délai de 50 années. Mais en 2011, un article d'une instruction générale interministérielle, que l'on désigne sous l'acronyme obscur IJ 1300, a permis d'imposer une lourde procédure de déclassification des documents sensibles avant toute communication au lecteur. L'accès aux archives doit désormais céder devant les impératifs du respect du secret et de la sécurité nationale. Des collègues se sont vus alors refuser la communication de documents qu'ils avaient pourtant déjà consultés antérieurement. D'autres historiens sont obligés d'abandonner leurs recherches parce qu'ils n'ont plus accès aux archives. Ce n'est sans doute pas un hasard si cette instruction ministérielle a été adoptée en 2011, juste avant la célébration du cinquantenaire des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. À partir de cette date, en effet, les historiens auraient dû pouvoir consulter librement les archives de cette période, ce qui devait permettre de découvrir la vérité sur les horreurs de cette guerre, notamment les actes de torture à l'égard des militants algériens et l'assassinat du mathématicien communiste Maurice Audin. L'ouverture de ces archives est exigée aujourd'hui à la fois par les descendants des victimes de cette guerre, par les historiens qui défendent l'autonomie de la recherche, mais aussi par les archivistes, car les procédures administratives de déclassification ne relèvent pas de leur mission et leur imposent une surcharge de travail. À l'été 2020, l'association Josette et Maurice Audin, l'Association des archivistes de France et l'Association des contemporanéistes de France se sont regroupés au sein d'un collectif. Ils ont lancé un appel au Premier ministre et une pétition signée par plus de 18 000 personnes. Puis le collectif a déposé un recours devant le Conseil d'État qui leur a donné raison en annulant l'article de l'IJ 1300 qui contredisait la loi sur les archives. Mais ceux qui s'opposent à la communication des documents dits « sensibles » en mettant en avant les impératifs de la sécurité nationale, s'ils ont perdu cette bataille, n'ont pas perdu la guerre. La loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a même durci la procédure antérieure en élargissant la déclassification pour les documents tamponnés secret défense depuis 1934. Ainsi, comme le note un juriste, le droit des archives devient une annexe du droit de l'antiterrorisme. Pourtant, le combat des historiens n'est pas encore totalement perdu, puisque Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a annoncé le 10 décembre 2021 l'ouverture des archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police ayant un rapport avec la guerre d'Algérie. Comme on dit dans les séries policières, affaire à suivre.